J'ai une jambe en plastoc, j'ai un gros kyste dans le cou, j'ai une jambe en plastoc, vous approchez pas, j'ai plein de poux. Je suis né au Sainte-Marie de la Mer, direction la Dasse et puis Nanterre. Quand je me suis foutu en l'air, je n'étais pas très clair. C'était au péage du pont de l'Alma, je glissais sur le verglas. Oh non. Les pompiers sont venus me chercher, ils ont eu peur du moustachu, ma fille. Comme j'étais complètement torché, ma jambe est restée dans le fossé. J'aurais conduit un sonitone et c'est une vraie cochonne. J'ai appelé d'une cabine, je bourrais alors le fion de Christine. Si je préférais la bibine, elle me suçait bien la pine. Je vois lourd sucer, 100 litres au sang, bulldog en fait autant. Je suis qu'un sale alcoolique, malgré ma cure de désintox. Je suis qu'un sale alcoolique, j'enferme mon choix dans un box. Ah non. Aujourd'hui j'anime des débats avec un QI de moins 23. Je suis sucé d'argent culin de cas, je trouve mon cul bien sympa. On me dit que je suis qu'un sinistre de la vie, je viens de la gitanerie. Maintenant je vis avec Sandy, on fait de grandes sodos parties. Avec mes 10 grammes d'alcool et j'invite des fois Henri. J'ai essayé d'arrêter de boire, mais bon, c'est sans espoir. On a des bas potables, mais bon, c'est pas probable. Putain, mais qui c'est le branleur qui a sélectionné ça? C'est Manu et Fildar. Putain, mais les gars, vous êtes deux enculés. De vous êtes deux gros enculés. Anagramme de Lucerne. Ouais, ouais, ben pour l'instant, ça vous fait peut-être rire, mais ça nous enculé, fait pas, ça me fait pas rire. De d'accord. Ouais. Alors, le prochain coup, tu te cardes dans le cul. On n'a pas écouté jusqu'à la fin. On a pris le début parce qu'on s'est dit c'est la carte dans le cul. Ok. Ah, énervé, t'as bougé la d'accord, jambe gauche. Alors non, mais la fin quand même, merde, mais mettez des bips. On va écouter la fin. Non, mais t'écoutes jamais rien, alors t'es payé à quoi foutre? T'as de branler les couilles dans les studios hein, ou dans les couloirs. Alors ça va comme ça, maintenant ton boulot, tu vas te le faire correctement parce que tu nous casses les couilles maintenant. Voilà.